jour tu gagnes, un jour tu perds. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Le tout c'est de savoir gagner ou perdre comme un homme. Ouais. Garder la tête haute. Nos vies c'est du kit double. Tu gagnes ou tu perds, tu réussis ton coup ou tu rates. Nos vies c'est du kit double. Tu ris ou tu pleures, un jour t'es plein, autre t'es en dol. Nos vies c'est du kit double. T'as tout rien, tu sais ici ça fait longtemps qu'on rêve plus. Nos vies c'est du kit double. Génération de fous, de niqués. Où l'on rêve plus, où l'on cherche plus qu'à trouver le but à chaque coin de rue. C'est du qui te double dans ces ruelles sombres. Où le chef d'un ballon, je penche pour le mal. Confronté à voir des mecs qui baignent dans le sang. Poignard planté dans le ventre. On choisit pas nos destins. Si on récidive nos actes, que les innocents pleurent, portent plainte. C'est qu'on a faim, on a rien, on compte bien réussir. On a tant perdu du temps. Attendre, espérer que les choses changent, mais rien. Un des nôtres qui se fait abattre par les fils de pute. De couleur d'affiche, ça passe pas. Les bavures, on n'accepte plus. Tu me diras que c'est ton boulot. T'inculer à moi, c'est ma mission. Mystère, comme dans la fin d'un western. Qui aura le dernier mot? Tu fais confiance à ton arme dans ton holster. Moi, qu'à mon instinct. En fait, t'as peur, c'est pour ça que t'agis comme ça envers nous. Dis-toi qu'on a tellement perdu qu'on peut plus gagner. Tu sais, t'es le genre de flic qui stupeur de devenir inspecteur. Parce qu'en fait, t'as la pression. Quand tu vois quoi tes potes nuls, tu l'impressionnes. Sous tes allures d'homme, t'es qu'une merde. Black Pearl World, si t'es flic, moi je t'emmerde. Ma vie, c'est du kit double. Merde. Nos vies, c'est du kit double. Tu gagnes ou tu perds, tu réussis ton coup ou tu rates. Nos vies, c'est du kit double. Tu ris ou tu pleures, un jour t'es plein, autre t'es en dol. Nos vies, c'est du kit double. T'as tout ou rien, tu sais ici, ça fait longtemps qu'on rêve plus. Nos vies, c'est du kit double. Mais comment on prend la forme de mec qui pèse, ouais, tu jures qui ceux qui baisse. La classe ni tabac ni 16, à l'action diverse. Des problèmes que quête, plus rester tel que l'on nous l'autorise ou presque. Tout ce qu'on croise dans la vie nous teste. Dès lorsque les problèmes interviennent, est-ce qu'on gardera toujours la veste? A pris le nord, moi l'est, le sort le teste. Bousculé dans cette course, fait les choix restreints. On se donne rendez-vous dans 10 ans, il en a fallu 5 on vise. Un certain bise, dans d'autres brillants. C'est fou comment on change d'itinéraire, de route et d'estin. Tout par son instinct, trahi ou à l'extrême. Un porteur, jusqu'à où, à l'abri ou là, au cas où par la sentence au galop, vers la gloire, la chance te tient, puis tu dis ciao. C'est comme prôler le titre, ou l'orgie de vivre, loin le pauvre, le pitre, ou le snob qui se pique, bien le gosse qui se tique. Réagir, vivre par rapport au regard de l'autre, vie qui narque, gosse, comme ta souffrance fera le bonheur de notre. Nos vies, c'est du kit double. Tu gagnes ou tu perds, tu réussis ton coup ou tu rates. Nos vies, c'est du kit double. Tu ris ou tu pleures, un jour t'es plein, autre t'es en dol. Nos vies, c'est du kit double. T'as tout ou rien, tu sais ici, ça fait longtemps qu'on rêve plus. Nos vies, c'est du kit double. Et un kit, on s'éclate, mec, à chaque bouffée d'air, l'air est toxique, sincère, on double. Qui tout double, si vous voulez, plutôt dans les polars de King. Et si chacun est son boss, les clans se comptent plus, ma firme tord plus. Allez chercher le rap brûlé, la pro du père et nos tueux. Clouer tous les résidus des prix à Pégas, des tri à faire suivi de frais par de frais jaloux. Tu sais, y'a pas de vrai voyou à part l'Afrique et au bout. Approche, dis-moi quelle est ta drogue pour ton cul en charme. Le présent me stresse, des douleurs au voleur infini comme ces putes en bikini, rap jusqu'à l'infini. Moi et mes gars unis, tu banal au fait d'hiver. Si on se perd, c'est que nos influences nous servent. Seul la cellule peut me faire taire, Tola. Dehors, l'air est toxique, mort s'ensuit. Est-ce que tu me suis, c'est qui tout doux? Génération de fous, de niquer. Nos vies, c'est du kit double. Tu gagnes ou tu perds, tu réussis ton coup ou tu rates. Nos vies, c'est du kit double. Tu ris ou tu pleures, un jour t'es plein, autre t'es en dol. Nos vies,